Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 151, de la chasteté. La chasteté est une vertu spéciale, distincte de l'abstinence. Son rapport avec la pudicité. 1. La chasteté est-elle une vertu? Le mot chasteté indique que la raison châtie la concupiscence, qui, selon la parole du philosophe, doit être corrigée comme un enfant. La vertu humaine consistant à régler les choses conformément à la raison, nous sommes fondés à dire que la chasteté est une vertu. Note. La chasteté réside dans l'âme, elle a le corps pour objet. Il lui appartient de régler au gré de la raison et de la volonté l'usage de nos membres. Fin de la note. 2. La chasteté est-elle une vertu générale? La chasteté, dans son sens propre, est une vertu spéciale, qui a pour objet particulier de régler les plaisirs charnels. Au figuré, elle peut être prise pour une vertu générale qui modère toutes les sortes de plaisirs illicites. L'esprit qui s'unit à Dieu, et qui s'abstient des actions défendues, est chaste spirituellement, suivant cette parole, « Je vous ai fiancé à Jésus-Christ, l'unique époux, afin que vous vous présentiez à lui comme une vierge pure. » 2 Corinthiens 11, 2. Et, par une raison contraire, l'esprit qui s'abandonne, contre l'ordre de Dieu, à l'amour des biens terrestres commet une fornication spirituelle, comme le marquent ses autres paroles, « Tu t'es livré à une foule d'amants. » Jérémie 3:1. Mais la chasteté, ainsi entendue, consiste principalement dans la charité et dans les autres vertus théologales, qui unissent l'âme humaine à Dieu. 3. La chasteté est-elle une vertu distincte de l'abstinence? Où il y a différentes sortes de plaisirs à réprimer, là aussi il y a différentes vertus. L'abstinence règle les plaisirs de la table, la chasteté, les plaisirs de la chair. Il est évident, dès lors, que l'abstinence et la chasteté sont deux vertus différentes. Note. Les plaisirs de la chair, plus violents que ceux de la table, ont tout particulièrement besoin d'une vertu qui les contienne. Chez celui qui s'y abandonne, la concupiscence s'accroît et l'esprit s'affaiblit. Rien, dit saint Augustin, n'énerve plus le courage des hommes que la volupté charnelle. Fin de la note. 4. La pudicité se rapporte-t-elle spécialement à la chasteté? La pudicité a pour objet principal de réprimer ce qui porte le signe ou l'apparence des plaisirs charnels, les regards, les libertés et les baisers impudiques. Elle est une circonstance spéciale de la chasteté, qui réprime les plus grossiers de ses plaisirs. On les prend quelquefois l'une pour l'autre. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.